Mais voici qu'on annonce la mort de Thésée et les préparatifs de sa succession à Athènes, où trois parties se disputent le trône vacant, celui d'Hippolyte, celui d'Aricie et celui du fils que Phèdre a eu avec Thésée. C'est l'occasion pour la confidente Œnone de détourner Phèdre de son affreux dessein de mourir, car son intérêt et celui de son fils la lient désormais à Hippolyte contre Aricie. Et la mort de Thésée atténue le caractère incestueux de l'amour de Phèdre pour son beau-fils Hippolyte. Avant de quitter Trézène, Hippolyte rencontre Aricie, qui vient d'avouer à sa confidente Ismène qu'elle aime Hippolyte. Se réservant de régner sur Trézène, Hippolyte rend à Aricie le trône d'Athènes. Mais comme Aricie est étonné de tant de générosité, Hippolyte lui précise ses sentiments.